Kalina, Kalina, t'as fait de nous des cannibales. On se mange les uns les autres ici, l'instinct de survie est animal. Kalina, Kalina, ne vois-tu pas comment ça va mal? Dans mon ghetto, l'ambiance est triste comme dans une cathédrale. Kalina, Kalina, j't'ai couru après partout dans la capitale. D'avoir sur mes côtes pour moi est devenu vital. Même si une fin brutale est inévitable. Kalina, Kalina, Kalina m'a posé des dilemmes délicats. J'ai laissé l'illégal au profit de ma force médicale. On s'est tombé pour Kalina, ce soir c'est mon jeu dédicace. Hey, tes histoires on les connaît pas, yeah. Mais moi dans ma tête je ferais pleurer un téléphone, yeah. Y'a pas de bif, nous appelez pas, mm. Ben j'ai plus de cardio, j'ai plus le temps de faire les bras, mm. Kalina, Kalina, mm. Kalina, Kalina, Kalina, Kalina, mm. Faut que les insignes et les clés de bras t'es sur un côte. Mais faut que ça se finisse à la Jack Mary, Mary. Comme Tony Montana Berber à la Jack Mary, Mary. Comme Ali qui Berber à la Jack Mary, Mérine, comme ma chambre d'expresseur à la Jack Mérine, Mérine, et lâcherai après. Toi Kalina, toi Kalina, à force de te vouloir, j'ai fait pleurer maman, fait pleurer maman. A chaque fois que j't'ai conquis, oui, j'ai vu que tu mal autour de moi, autour de moi. La jalousie, la voix, c'est ce qui peut la malinois. Pour te me raconte pas ta vie, moi aussi j'dois rendre tes comptes à la fin du mois, en fin du mois, fin du mois. Pas que j'dois mourir à la Jack Mérine, Jack Mérine. Car maman compte fort sur son bébé chéri. J'suis toujours à la charge d'un plan B. Fais belette pour Kalina, elle sera plus de plan B. Les histoires on les connaît pas, yeah. Mais moi dans ma tête j'ferais pleurer un téléphone, yeah. Y'a pas de bif, nous appelez pas, mm. Ben j'ai plus de cardio, j'ai plus le temps de faire les bras, mm. Kalina, Kalina, mm. Kalina, Kalina, Kalina, Kalina, mm. Faut que les insignes et les clés de bras t'es sur un côte. Mais faut que ça se finisse à la Jack Mary, Mary. Comme Tony Montana Berber à la Jack Mary, Mary. Comme Ali qui Berber à la Jack Mary, Mérine, comme ma chambre d'expresseur à la Jack Mérine, Mérine, et lâcherai impressionné. Hein? Quand t'es frais mon gars, tu ne parles pas, tu prouves. Tu ne parles pas, tu prouves. Quand t'es chaud mon pote, tu ne parles pas, tu bouges. Les gangsters se fondent dans la masse comme des bolos. Les bolos s'y fondent comme des gangsters, mmh. J'ai tourné, j'ai vu des carrières de lion avec les yeux d'un hamster. Kalina, Kalina, faut que tu leur apprennes à te faire. Ma mimi, je pourrais pas te promettre la lune, mais je suis partant pour bien chauffer cet hiver. Coucou, moi c'est la concu, c'est fabuleux comment tous vos sons puent. C'est pas que j'en ai rien à foutre, mon a coupé le son en entendant ta répute. Tes histoires on les connaît pas, yeah. Mais moi dans ma tête je ferais pleurer un téléphone, yeah. Y'a pas de bif, nous appelez pas, mm. Ben j'ai plus de cardio, j'ai plus le temps de faire les bras, mm. Kalina, Kalina, mm. Kalina, Kalina, Kalina, Kalina, mm. Faut que les insignes et les clés de bras t'es sur un côte. Mais faut que ça se finisse à la Jack Mary, Mary. Comme